Avant de retrouver le 7-9, hein, qui est un peu le blockbuster de France Inter, en voici un autre, le livre de Boba Fett. Frédéric Sigris, c'est la nouvelle série Disney+, qui se passe dans l'univers de Star Wars. Oui Mathilde, après le succès de sa première série Star Wars, Le Mandalorien, qui racontait l'histoire d'un chasseur de primes au passé mystérieux qui ne retire jamais son casque, Disney s'est dit... Tiens, pour une deuxième série, il faut pas rester sur ses acquis si on faisait un show surprenant et innovant sur un chasseur de primes au passé mystérieux qui retire rarement son casque. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre avec les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars où Dark Vador était un guerrier au passé mystérieux qui ne retirait jamais son casque. Ni même avec les épisodes 7, 8, 9 où Kylo Ren et le capitaine Phasma étaient des guerriers au passé mystérieux qui ne retirent jamais leur casque. C'est aussi ça qui fait le succès de Star Wars depuis plus de 40 ans, sa capacité à se réinventer et à aller là où on ne l'attend pas. Il y a beaucoup de casques dans Star Wars. Hein. C'est une sorte d'orgie de Daft Punk. Hein. Il y a plus de casques dans un film Star Wars que sur un chantier de construction d'un stade de foot au Qatar. Hein. Mais qui est donc ce Boba Fett en question ? Boba Fett, Mathilde, c'est un méchant. Un chasseur de primes qui est apparu dans l'Empire Contre-Attaque et qui a 4 répliques et 6 minutes de temps de présence à l'écran. Dans Le Retour du Jedi, le personnage est même censé avoir été éliminé par Harrison Ford, Han Solo, qui ne s'est même pas rendu compte qu'il l'avait battu. Le fameux Boba Fett tombe alors dans la gueule du Sarlacc. Et un sarlacc, Mathilde, c'est un monstre qui vit dans le sable. Imaginez un anus avec des dents. Voilà. Que les auditeurs me pardonnent pour cette image, mais c'est vraiment à ça que ça ressemble à sarlacc. Hein. Et voilà, fin de l'histoire. Autant dire qu'en temps de présence, Boba Fett aura marqué l'histoire de Star Wars, comme Georges Alain aura marqué la chanson française. Mais comment alors vous expliquez son succès depuis 40 ans ? Les fans, Mathilde, les fans. Boba Fett, c'est l'histoire d'un fantasme de fan. Son look badass avec son armure et son casque. Le fait qu'on ne voit jamais son visage et qu'on ne sache rien de lui, la popularité de sa figurine à l'époque, et des tonnes de fanfictions ou des récits annexes à ce qu'on a pu voir dans les films ont assis sa légende dans l'esprit des fans de Star Wars. Et la série, le livre de Boba Fett, en expliquant comment il a survécu au Sarlacc, continue d'essayer de te vendre un personnage qui, il faut l'admettre, a surtout été classe dans nos fantasmes. Non seulement Boba Fett est interprété par un Temuera Morrison de 61 ans désormais, qui a un corps clairement en conflit avec son armure, il ôte son masque tout le temps, ce qui n'aide pas à le rendre emblématique, la réalisation des épisodes est aux fraises, mais pire dans la série, personne ne le respecte. Le personnage est obligé de rappeler sans cesse « Vous savez qui je suis ?» Et la série a l'air de répondre « Ouais, t'es le gars qui a eu que 6 minutes de temps de présence à l'écran !» Et soudain, on se rend compte que ce fantasme d'un héros cow-boy de l'espace mystérieux et badass, eh ben ça existe déjà en fait, c'est le Mandalorien, et qu'il incarne beaucoup mieux que Boba Fett lui-même. Les voir à l'écran tous les deux, c'est comme voir un iPhone dernier cri à côté d'un vieux téléphone à clapet. Boba Fett vient de vivre ce que l'on appelle en France l'effet Christiane Taubira. Silencieux et absent, tout le monde le réclamait. Maintenant qu'il est dans la lumière, on ne fait que le critiquer. Frédéric Sigris, c'était sa chronique Blockbuster. Il y a votre spectacle aussi, Frédéric. Vous serez jeudi prochain, jeudi 5 février, près de Saint-Étienne au festival Festange. Alors c'est samedi. C'est samedi. Ah bon? Oui, oui. Ah bah alors, écoutez, pardon. Mais oui, effectivement, je serai bien près de Saint-Étienne. Voilà, et toutes les recettes iront pour équiper des enfants handicapés. D'accord, festival Festange près de Saint-Étienne samedi. Merci beaucoup Frédéric Sigrist.